Merci Marie-Hélène. 19h30, c'est maintenant le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. Le Moyen-Âge serait-il à la mode? Pourrait-il bientôt supplanter nos Gaulois? Les Insegosi a chanté le temps des cathédrales, reprenant Victor Hugo au travers d'un titre de Georges Duby. D'autres, autour de la table ronde, de Kaamelott et du mythe du roi Arthur, voudraient nous faire croire que les hommes et les femmes de ces temps reculés nous ressemblent en tout point. Mais quelle est donc cette période, longtemps laissée pour compte, de l'archéologie? Cathédrales, châteaux, princesses et clergés, mes invités prônent aujourd'hui un autre Moyen-Âge, pour reprendre le mot de Jacques Le Goff. Joël Burnouf, Isabelle Catédu, bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour. Professeur à la Sorbonne, Joël Burnouf, vous avez œuvré à la création de cette archéologie médiévale. Femme de terrain et archéologue à l'INRAP, Isabelle Catédu, vous êtes la spécialiste de ce qu'il convient d'appeler le premier Moyen-Âge. Vous venez de publier toutes deux « Archéologie du Moyen-Âge » aux éditions Ouest-France. Joël Burnouf, coincé entre Antiquité tardive et Renaissance, notre Moyen-Âge commencerait avec la chute de Rome pour enfin finir avec Christophe Colomb ? Évidemment non. Ça, c'est un mythe créé à partir d'une documentation sélectionnée, pas très abondante, et qui est plutôt liée aux événements géopolitiques et à partir de documents fabriqués par et pour les élites. Donc le Moyen-Âge que nous trouvons, nous, c'est un Moyen-Âge à ras de terre. Certains ont peur de cette expression. Moi, je la trouve tout à fait normale. Et ce Moyen-Âge-là, c'est celui de tout un chacun, c'est-à-dire de ceux qui n'ont laissé aucune trace. Nous retrouvons les humbles, les moins humbles, parce qu'il y avait des catégories sociales, des classes sociales. Et donc, ce Moyen-Âge, cet autre Moyen-Âge, que nous a enseigné notre maître Jacques Le Goff, parce que évidemment, il est pionnier en la matière à une époque où l'archéologie était balbutiante. Et c'est aussi un hommage à Jacques Le Goff, puisque avec ma binôme favorite Isabelle Catédu, deux cerveaux et quatre mains, eh bien, c'est la deuxième fois que nous aurons l'occasion de parler ensemble. La première fois, c'était avec Jacques Le Goff et à sa demande au lundi de l'histoire. Alors, quelles seraient les limites de votre Moyen-Âge ? Eh bien, pour reprendre des idées qui ont été émises par un spécialiste de l'Antiquité gallo-romaine, notre collègue Banocel, entre la proto-histoire récente et le début du très haut Moyen-Âge, il y a un certain nombre de points communs matériels, c'est-à-dire en termes de documentation. Deuxièmement, donc ça commence beaucoup plus tôt, pour tout dire, il n'y a pas de solution de continuité, et même dans l'Antiquité, pour autant que j'ai lu les travaux de mes collègues, beaucoup de modalités de la vie quotidienne, de la construction, de tout ce qui fait les choses de la vie, peuvent être en continuité, c'est un mot que je n'aime pas, mais disons sans solution de continuité. Et en ce qui concerne la fin, la Renaissance n'existe pas, mais tout le monde sait qu'il vaut mieux faire sa propre publicité que de la laisser aux autres, et les hommes de la Renaissance ont eux-mêmes décidé qu'ils étaient la Renaissance, et que les malheureux individus qui avaient vécu pendant 1000 ans avant eux n'étaient qu'un âge moyen, un Moyen-Âge. Donc Moyen-Âge est une sorte de non-non, non-N-O-N, non-N-O-M, c'est, on dirait aujourd'hui de façon plus chic, un concept d'attente, sauf qu'on attend toujours et que personne n'est venu nous proposer, à commencer par nous, c'est pas un mea culpa, mais on avait autre chose à faire, de changer ce terme. Isabelle Catédu, votre Moyen-Âge serait celui qui n'aurait pas de château et de chevalier et de princesse? Alors effectivement, moi je suis confrontée à un Moyen-Âge qui est... pour le coup, extrêmement à ras de terre, qui est un Moyen-Âge, comme dit Joël, des invisibles, qui est donc ce premier Moyen-Âge qui va entre le 5e, on va dire, siècle et le 12e siècle, si on veut placer des dates, en tout cas jusqu'au 11e. Et c'est vrai que l'image que l'on a du Moyen-Âge en général, c'est effectivement le château, la princesse, les chevaliers. Et le clergé. Et le clergé, bien sûr, c'est-à-dire les élites. Or, 95% de la population vivait dans les campagnes. Il y avait donc une classe paysanne qui était très importante, qui laisse effectivement énormément de traces. Et l'archéologie préventive en particulier, qui a complètement révolutionné notre lecture de cette période, met en évidence une grande diversité des habitats. Des habitats classiques, c'est-à-dire qui vont des habitats dispersés, des fermes aux hameaux ou encore aux villages, ou à des habitats groupés, structurés, puisqu'on a des habitats avec des églises et des habitats d'élite dès le 7e siècle. Et une grande diversité également d'habitats d'élite, hein. C'est-à-dire que tout comme tous les Romains ne vivaient pas dans les villas, eh bien au Moyen-Âge, tout le monde ne vivait pas dans les châteaux. On découvre en fait une grande variété d'habitats d'élite qui sont pas uniquement les mottes dont on a beaucoup parlé ou les châteaux, mais qui sont en fait des habitats à plat, qui sont effectivement des habitats délimités par des fossés, par des éléments qui montrent davantage une volonté de montrer son statut social, d'afficher son statut. C'est vraiment un véritable affichage et non pas un affichage guerrier comme on l'a longtemps vu. Vous avez l'année dernière lancé une petite enquête sur votre période auprès de nos concitoyens. Le constat est catastrophique ? Le constat est effectivement assez catastrophique. J'avais une enquête des années 80, faite par des professeurs de collège. J'ai donc relancé la même enquête avec 5 questions, qui étaient très simples, hein, à tous les élèves de collège, puisque c'est en 5e qui est enseigné le Moyen-Âge. Et donc, je posais des questions très simples, les mots-clés. Qu'est-ce que pour vous le Moyen-Âge ? Je demandais la chronologie, voilà, quels étaient des personnages du Moyen-Âge. Et non seulement j'ai constaté exactement les mêmes clichés, c'est-à-dire peste, château, chevalier, donc des images très sombres, château. Mais j'ai découvert qu'en fait, plus grave, il y avait une totale perte de repères chronologiques. Le début du Moyen-Âge commençait à peu près bien. À la fin de l'Antiquité. Par contre, pour beaucoup de jeunes, il se termine au 19e siècle, voire au 20e siècle, tout ce qui est antérieur à l'informatique. Donc on a un très long Moyen-Âge, cher à Jacques Le Goff d'ailleurs. Et donc perte totale de repères chronologiques. Et quant aux personnages clés du Moyen-Âge, confusion totale avec l'héroïque fantasy. C'est-à-dire que je retrouvais en fait une sorte de confusion avec des personnages légendaires, mais qui étaient en fait intégrés. Probablement suite aux jeux vidéo, etc. Comme qui ? Comme tous les personnages de Game of Thrones, comme les éléments de Kaamelott. Bon, ça c'était moins grave. Et puis surtout des confusions de personnages de toute période. En fait, il y avait totale perte effectivement de repères qui reflètent bien effectivement la place qu'occupe cette période dans l'enseignement aujourd'hui dans les collèges. Joël Burnouf, que savait-on du Moyen-Âge dans les années 80-90 ? Dans les années 80-90, il y avait déjà 30 ans qu'était née académiquement l'archéologie médiévale, avec deux grands laboratoires pour commencer, et très rapidement un troisième à Caen, à Aix, et l'école des hautes études en sciences sociales avec Jean-Marie Peset. Et on va dire que passé la période de formation, on avait un certain nombre de sites qui commençaient à être fouillés. Parmi ceux qui ont le plus bouleversé les connaissances, je pense aux études pionnières de Charavine, sous la direction de Michel Colarnel. Mais on était coincé dans le paradigme ancien, c'est-à-dire que nous étions tous bien élevés aux bonnes écoles. Je rappelle que Michel Deboire était un chartiste, et donc, hors des textes, pas de salut. J'ai le souvenir d'un propos de colloque de Jean-Marie Peset, ou plutôt post-séance, expliquant qu'on lui avait bien fait comprendre qu'il n'y avait pas, c'était pas la peine de fouiller puisqu'on avait les textes. Donc on revenait de très loin. L'archéologie avait existé bien avant, médiévale, mais c'était les antiquaires d'une part et l'histoire de l'art, puisque du Moyen-Âge on en a sous les yeux en permanence. Et le tournant des années 80, c'est le tournant de l'archéologie préventive. C'est-à-dire que le caractère aléatoire de l'archéologie préventive, qui est lié à des travaux qui ont trait à l'aménagement du territoire et pas à l'archéologie en tant que discipline académique, ont conduit à changer complètement notre regard, à dérouter complètement la communauté, ce qui n'a pas été simple pour les jeunes qui ont démarré dans ces années-là, comme Isabelle Catédu, parce que on sait que chaque site est un unicum, mais là, tout était déroutant. Et ça ne rentrait plus dans les modèles. Et il a fallu encore presque 30 ans pour qu'on commence à sortir et à oser dire que non, le Moyen-Âge que nous racontons, ce n'est pas le Moyen-Âge d'il y a 50 ans. Isabelle Catédu, l'archéologie, l'histoire devait s'émanciper des textes, souvent rares et parfois partiaux. Alors c'est une question effectivement importante. Alors pour ma part, ayant été confrontée à des vestiges ténus et très difficilement lisibles, j'ai toujours choisi de multiplier les prismes de lecture de manière à réussir à faire parler ces vestiges effectivement au départ peu bavards et peu visibles. Et j'ai donc fait appel à un maximum d'interdisciplinarité. Et l'histoire, effectivement, l'étude des sources écrites en fait partie. Dans la mesure où il est cependant important que chaque discipline utilise sa propre grille de lecture, c'est-à-dire que je ne me prétends pas, je ne souhaite pas en fait, je ne suis pas capable d'étudier des textes, j'ai ma propre grille de lecture d'archéologue, les historiens ont leur propre grille de lecture, ceux des textes, les palynologues ont la leur, etc. Chaque discipline a sa grille de lecture. Et une fois ces disciplines, donc une fois que ces disciplines ont réalisé leur analyse, il me semble important de pouvoir dialoguer et de pouvoir effectivement échanger, croiser nos sources, en sachant que chaque source, chaque discipline renseigne à des échelles différentes, et qu'il faut également prendre en compte tout cela pour ensuite construire non pas des modèles, je ne tiens pas du tout au terme modèle, mais des scénarios qui sont valables dans un temps donné, dans l'état de la recherche actuelle. Il n'y a pas que nous qui vivons un changement climatique. Durant ce millénaire médiéval, les hommes en subirent aussi de nombreuses variations, Joël Burnouf. Oui, le Moyen-Âge, et c'est un des volets novateurs des travaux depuis 30 ans, est un observatoire privilégié. Alors, changement climatique, on va dire que ça se juge à l'échelle des millions d'années, mais disons au moins péjoration climatique, mais dans les deux sens, péjoration et amélioration. Donc il semble que le premier Moyen-Âge ait connu des phénomènes extrêmes, comme on les appelle aujourd'hui, liés peut-être à une légère péjoration climatique, sensible en tous les cas dans les grands fleuves par la sédimentation qu'elle a générée. Une amélioration est sensible, c'est ce qu'on appelle le POM, le petit optimum médiéval, on va dire entre le 8e et le 13e siècle. À partir du 13e siècle, on commence de nouveau à avoir des phénomènes extrêmes, une hydrologie importante, des crues, des phénomènes de ravage des récoltes par des printemps trop humides ou des étés trop pluvieux. Et à partir, alors la date canonique du PAG, c'est-à-dire du petit âge glaciaire, qui est au 14e siècle et qui dure jusqu'en 1850. Donc on est un observatoire privilégié au Moyen-Âge des relations des sociétés avec les milieux, parce que ce qui nous importe pour aujourd'hui, c'est de savoir que fait-on, comment réagit-on à la fois aux phénomènes extrêmes et aux changements longs, et comment ont-ils fait. Justement, 6e siècle, une péjoration, 8e siècle, adoucissement, 14e siècle, petit âge glaciaire qui finit jusqu'en 1850. Comment l'homme s'est-il adapté à ces variations climatiques ? Eh bien, je dirais, et ça, c'est un acte de confiance, mais c'est peut-être seulement lié à mon caractère, les sociétés sont remarquablement opportunistes. Un collègue des périodes plus anciennes, Pierre Pétrequin, a écrit que les sociétés avaient toujours une crise de retard, ce qui est pour sa période une façon d'interpréter les choses, et je lui fais complètement confiance. Et je pense, moi, qu'elles sont totalement opportunistes. C'est-à-dire qu'elles ont tenté de contraindre les contraintes à leur usage. Ce faisant, elles ont agi dans leur bien propre à un moment donné. Et ça devrait faire réfléchir nos contemporains sur l'aménagement du territoire. Mais ça a créé des catastrophes 500 ans après. Exemple, la création de digues le long des grands fleuves. C'est une fausse bonne idée. Aujourd'hui, on en subit, et peut-être ça va s'aggraver, les conséquences. Exemple, la colonisation des rivages qui crée une sédimentation accélérée et qui provoque aujourd'hui les phénomènes, s'il y a une légère élévation du niveau de la mer, d'invasion de tous ces littoraux par les puissantes marées qu'il peut y avoir au cours d'une année. Et d'autre part, on a aussi dans le cadre quelque chose qui échappe complètement, que nos collègues des sciences de la Terre appellent les forçages externes. On sait que pour le Moyen-Âge, on a une phase très forte de volcanisme, et qu'en particulier au XIVe siècle, l'éruption de grands volcans islandais ont provoqué des catastrophes en termes agricoles sur l'Irlande, le sud-ouest de l'Angleterre, prenant en écharpe la France de la Normandie au Berry. Et donc, on sait qu'on a là des phénomènes qui, évidemment, sont immaîtrisables par les sociétés, mais auxquels elles ont dû faire face. Et elles y ont fait face d'une manière très opportuniste. Je ne suis pas pessimiste sur la question. Vous parliez d'aménagement du territoire, c'est aussi des productions de sel qui sont tout à fait nouvelles, la pisciculture, tout ce genre de choses se développent ? Oui, je dirais qu'on passe à une phase industrielle d'exploitation. D'abord, l'invention de l'exploitation du sel par évaporation, puisqu'on connaissait auparavant le briquetage, c'est-à-dire l'évaporation d'eau salée sur des foyers ou dans des fours. Et là, on passe justement à la faveur de ce petit optimum à des marais salants, dont certains vont complètement échouer sur les côtes nord de la du littoral de la Manche, mais d'autres vont perdurer, comme ceux du sud de la Bretagne et de la côte atlantique. Et en ce qui concerne les étangs, là, une des hypothèses plausibles, puisque en archéologie, on n'est toujours que dans du plausible, est que le boom urbain que connaît l'Europe, l'ensemble de l'Europe, à partir du milieu du premier Moyen-Âge, va provoquer une demande avec les contraintes de la pratique de la religion chrétienne, vont amener à une grande demande sur les marchés urbains de poissons frais. Or, au-delà de 150 km des côtes, on ne peut plus avoir ce phénomène des chasse-marées qui apporte le poisson de mer frais. Et on développe, si on regarde une carte à peu près à cette distance, des grandes zones d'étangs intégralement construit. L'exemple le mieux étudié pour le moment est la Brenne. Et dans la Brenne, avant la Brenne des étangs, aujourd'hui classée parc naturel, ce qui peut faire sourire un archéologue, il y avait un district minier à l'époque antique. Donc on a un renversement complet des activités. Et dans la Dombes, dans la Lorraine des étangs, dans la Brenne, on a, grâce à un marché qui s'est constitué, la possibilité de développer une agropisciculture, entre autres de la carpe qu'on appelle le cochon des étangs. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. Irak, Syrie, Afghanistan, nous vivons aujourd'hui un phénomène migratoire qui vient d'entraîner la fermeture des frontières de Schengen, notre limès romain. Cette migration est-elle sans précédent ? Non, nous avons vécu les invasions barbares, Isabelle Catédu. Alors, autre paradigme du Moyen-Âge, autre cliché à faire tomber. On ne parle plus aujourd'hui d'invasion barbare, mais de grande migration. Je ne m'attarderai pas sur le fait que Lucie était déjà une migrante, si on veut faire simple. Et d'ailleurs, il y aura un colloque de l'INRAP, organisé par l'INRAP, notamment au mois d'octobre, mi-octobre, qui fera le point sur ces questions. Sur les migrations. Sur les migrations, voilà. Il faut savoir que les mouvements de population que l'on a longtemps associés donc à ces fameuses invasions barbares au 5e siècle sont en fait des mouvements de population qui prennent naissance, qui démarrent bien plus tôt, pour certaines des époques gauloises d'ailleurs, mais surtout à la fin de l'Antiquité, voire même au milieu de l'Antiquité, vers la fin du 2e et dans le courant du 3e siècle. Ces arrivées en fait ne sont pas massives, c'est-à-dire qu'on n'est pas devant un déferlement de population germanique qui arrive en démolissant tout sur leur passage, mais au contraire par des mouvements progressifs dont on a énormément de témoins aujourd'hui archéologiques, à la fois en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest, qui montrent en fait une arrivée progressive, d'abord par famille, ensuite par petits groupes, qui viennent s'installer effectivement en Europe de l'Ouest. Mais ces rythmes sont complètement différents. C'est-à-dire qu'on n'a pas un arrivage par charter ou par train ou voilà. Par bateau, voilà, pour recoller à l'actualité. On est en fait finalement sur une proportion beaucoup moindre. Et ces populations en fait font preuve finalement d'acculturation et d'intégration extrêmement rapide. C'est en tout cas ce que nous montre l'archéologie. Alors effectivement, il ne faut pas non plus avoir une image trop positive de la situation, mais les mouvements sont d'abord progressifs. Ils deviennent effectivement beaucoup plus importants dans le courant du 5e siècle, avec régulièrement des raids, effectivement, des mouvements beaucoup plus forts. Mais en tout cas, la théorie a complètement été renouvelée par les vestiges archéologiques. Joël Burnouf, dans ces cas-là, le Moyen-Âge est-il multiculturel et métissé ? Ah oui, complètement. Le Moyen-Âge est un... D'abord, contrairement là aussi à un cliché, on bouge au Moyen-Âge. Tout ce qu'on trouve dans les fouilles, objets, costumes dans les nécropoles pour le premier Moyen-Âge, et aussi dans la construction, on voit que tout bouge, les hommes et les idées. On débattra pas de l'idée de savoir, c'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf, lequel bouge et comment. Et d'autre part, on a aussi une acculturation, comme l'expliquait Isabelle Catidu, et cette acculturation, il y a des débats très savants là-dessus, la question étant de savoir comment elle procède, l'acculturation. Mais ce que l'on constate, c'est aussi une grande adaptabilité, on va dire, des différentes communautés qui conservent néanmoins des pratiques culturelles qui leur sont propres. Et on a l'arrivée de toutes ces populations, mais qui ne sont pas forcément des migrants, qui sont des marchands, qui sont des intellectuels, qui sont des hommes de guerre, mais qui sont aussi hommes de guerre et commerçants. Et qui apportent avec eux les éléments de leur culture, mais qui très rapidement s'intègrent, tout en conservant un certain nombre des acquis de leur propre culture à eux. Pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle que nous évoquons le Moyen-Âge avec Joël Burnouf, professeur à la Sorbonne, et Isabelle Catédu de l'INRAP. Et la ville, Isabelle Catédu, la ville du premier Moyen-Âge, elle aurait totalement disparu ? Alors non, effectivement, la ville ne disparaît pas au Moyen-Âge, au contraire. Alors en fait, il faudrait déjà même remplacer la ville par les villes au Moyen-Âge, puisque si ces villes évoluent entre le 4e siècle, 5e siècle et la fin du Moyen-Âge. La ville est d'abord une ville héritière de la ville chrétienne, d'une ville chrétienne héritière de la ville antique, dans un premier temps. Ensuite, on voit apparaître des villes nouvelles, notamment le long des fleuves, le long des ports, qui vont avoir un rôle commercial extrêmement important. La ville du 13e, c'est encore autre chose. Celle du 15e également. On est devant un urbain beaucoup plus diversifié, un peu comme l'habitat rural dont je parlais tout à l'heure, qui va refléter assez clairement une société, comme Joël l'a bien mis en évidence dans l'ouvrage. C'est notamment quelques très beaux exemples en mer Baltique, liés aux Vikings, autour de ces premières cités, premières villes du premier Moyen-Âge. Oui, ce sont ces agglomérations auxquelles on a longtemps dénié le nom de ville. Et on se demande si ce sont des proto-villes. Bon, quand on se pose la question de proto-quelque chose, c'est que la science est en marche. Donc ce sont des agglomérations. Donc c'est, si on suit la définition de notre collègue géographe, l'urbain c'est quoi ? C'est un géotype de substance sociétale fondée sur la coprésence. Dans ce cas-là, toutes ces villes de la Baltique, de la mer du Nord, sont bien des villes. On aura longtemps aussi donné le nom d'Emporion sur le modèle de la Méditerranée, ce qui correspond en type d'activité aussi à cela. Et donc c'est cet urbain du premier Moyen-Âge, on a longtemps dit qu'il n'y avait plus rien, que la ville romaine qui était tout avait disparu. Or le Moyen-Âge invente un nouveau type d'urbain. Il l'invente avec ses agglomérations, mais il l'invente aussi dans une nouvelle manière de vivre ensemble, dans un espace resserré, côte à côte, et une autre manière de hiérarchiser les groupes sociaux dans cet espace urbain. Joël Burnouf, vous prenez même que le Moyen-Âge invente la ville moderne, avec le centre-ville et la banlieue ? Oui, et le Moyen-Âge invente la ville moderne. Il faut quand même savoir que l'armature urbaine de l'Europe, elle date du Moyen-Âge en grande partie. En ce qui concerne l'Hexagone, on a quelques villes créées, une par François Ier, quelques-unes à l'époque moderne, mais l'essentiel de l'armature urbaine de la France, elle est médiévale. Donc cette ville, elle se constitue d'abord de forme, on va dire, polynucléaire, et ensuite, à partir du milieu du Moyen-Âge, on a la création, avec la prise d'autonomie politique, administrative et juridique de la ville, on a la création d'un espace extérieur, qui est l'espace extérieur sur lequel il y a un droit, qui est le droit de ban, et c'est d'une lieu, donc c'est la banlieue. Invention médiévale. Allez, disons-le, Joël Burnouf, votre Moyen-Âge vit une révolution industrielle, avant l'heure, bien sûr. Oui, je pense que ça a mis un certain nombre de temps. Il faut rendre hommage à quelqu'un qui était injustement mis de côté par mes connaissances, et l'archéologie peut lui rendre raison au vu des trouvailles. C'est un ouvrage qui est paru dans le début des années 70. Évidemment, l'archéologie médiévale, ce moment-là, c'était pas grand-chose. Et qui est l'ouvrage de Jean Gimpel, La révolution industrielle du Moyen-Âge, qui est passé relativement sous silence. Aujourd'hui, au vu des innovations technologiques, des inventions et du caractère extensif des activités industrielles, que ce soit minière, métallurgique, céramique, verrière, l'exploitation du plâtre, on est vraiment devant une industrie, on change d'échelle. Ce n'est pas de l'artisanat. Isabelle Catédu, le Moyen-Âge est aussi un pollueur de cours d'eau, de nappes phréatiques. Ça, vous en rendez compte sur le terrain? Alors oui, en fait, chaque période hérite de la période précédente, c'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, ils ont hérité aussi des grandes pratiques agricoles précédentes des Gaulois et des Gallo-Romains, de sols érodés. Nous sommes héritiers effectivement des pollutions du Moyen-Âge, en sachant que proportionnellement, je crois que les pollutions des 50 dernières années couvre largement 50%, je crois, c'est ce qu'on dit, hein, des pollutions de manière générale. Effectivement, on observe, si on étudie par exemple l'histoire des déchets dans l'histoire, lorsqu'on étudie l'histoire des déchets au Moyen-Âge, on remarque qu'effectivement, il y a eu à la fois une gestion de ces pollutions et de ces déchets, mais il y a également eu des excès dont on est effectivement directement les héritiers. Ceci dit, ces populations, ces sociétés du Moyen-Âge se sont montrées également très résilientes. On parlait tout à l'heure effectivement d'adaptabilité, d'opportunisme. Et on est vraiment devant à la fois des forçages, mais également une grande capacité de résilience, qui aujourd'hui est plutôt important et dont on a des leçons à tirer pour voir effectivement comment ces sociétés se sont adaptées, quels choix elles ont fait et quels sont nos héritages aujourd'hui de ces questions. En tout cas, 90%, voire 95% de la population vit quand même à la campagne et produit beaucoup durant cette période. Alors effectivement, 95% de la population vit dans les campagnes. Ça produit effectivement énormément de déchets. Ça récupère les déchets de la ville également. C'est-à-dire que la campagne nourrit la ville, mais la campagne est aussi avare justement des déchets de la ville. Et on a énormément de textes à ce sujet et de preuves archéologiques. Joël Burnouf, n'existe-t-il pas une proximité entre nos propres préoccupations et celles de la population médiévale? Ils ont le climat, ils ont les pollutions. Tout ça, c'est la même chose. Alors, à l'emporte-pièce, je dirais oui, mais en suivant ce qu'a écrit un éminent historien, on écrit que l'histoire du temps présent. Donc, je dirais que les archéologues sont aussi opportunistes. Il ne faut pas se voiler la face. Nous surfons sur la vague, par exemple, environnementale. Mais je pense que nous sommes, comme le disait Isabelle, des héritiers. Et que si on se prive de connaître les héritages du passé, on refait des erreurs qu'on n'arrivera plus à canaliser ou à transformer. Donc, dans les choix, c'est le rôle social de l'archéologue pour moi. Il est d'apporter les éléments de la manière dont ça s'est passé, ce qu'il en reste comme héritage, et donc quel choix pour l'avenir. Joël Burnouf, Isabelle Catédu, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, Archéologie du Moyen-Âge, aux éditions Ouest-France. Je signale au passage que la revue Les Dossiers de l'Archéologie se penche ce mois-ci sur le Paris au Moyen-Âge. Le Salon Noir était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Jean-Frédéric, attaché d'émission Catherine Denet. Vous pouvez écouter ou podcaster cette émission sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 200 archives sur le site inrap.fr.